Bah non, mais parce qu'il aurait fallu qu'on leur explique. Ah oui. Bah oui. T'avais pas compris ? Bah non. C'est pas ça, je pense, c'est le truc. Écorce du dehors. Papier cadeau. Chaud. Papier cadeau. Filigrane. Chaud. Fragile. Chaud. Papier cadeau. Chaud. Papier cadeau. Filigrane. Fragile. Papier cadeau. Chaud. Papier cadeau. Filigrane. Fragile. Tissu rose. Moi. Barrière. Avoir la possible. Chaud. Papier cadeau. Chaud. Papier cadeau. Filigrane. Fragile. Avoir la papier cadeau. Chaud. Papier cadeau. Filigrane. Possible. Le placebo de l'âme. Papier non. Cadeau. L'envers. Papier cadeau. Filigrane. L'envers. Le placebo de l'âme. Papier chaud. Cadeau. L'envers. Chaud. Filigrane. Fragile. Papier cadeau. Placebo de l'âme. Chaud. Papier cadeau. L'envers. Chaud. La vie. Papier cadeau. Chaud. Le placebo de l'âme. L'envers. Papier cadeau. La vie. Chaud. Papier cadeau. Filigrane. Chaud. Le placebo de l'âme. Papier l'envers. Cadeau. L'envers. Chaud. La vie. Filigrane. Lisse. Fragile. Le placebo de l'âme. Chaud. L'envers. La vie. Dehors. Papier cadeau. De le placebo de l'âme. L'envers. Dehors. Dehors. Dehors. Dehors. Avoir la chance. Dehors. Lisse. Dehors. Dehors. Dehors. Dehors. Avoir la chance. Dehors. Possible. Papier cadeau. Chaud. Papier cadeau. Filigrane. Fragile. Papier cadeau. Placebo de l'âme. Chaud. Papier cadeau. L'envers. Dedans. Fragile. La vie. Papier cadeau. Avoir la chance. Le placebo de l'âme. L'envers. La vie. Papier cadeau. Papier cadeau. Le placebo de l'âme. L'envers. Papier cadeau. Papier cadeau. Fragile. Le placebo de l'âme. Tissu rose. Papier cadeau. La barrière. Fragile. Le placebo de l'âme. L'envers de l'âme. Barrière. Papier cadeau. Le placebo de l'âme. L'envers de l'âme. De R. Papier barrière. Le placebo de l'âme. L'envers de l'âme. Papier cadeau. De R. Barrière. De placebo de l'âme. L'envers. Papier cadeau. Deux tissu rose. Barrière. Deux et le placebo de l'âme. Papier cadeau. L'envers. Deux tissu rose. Deux. Deux pieds cadeau. Le placebo de l'âme. L'envers. Deux R. La vie. Fragile. Tissu rose. Deux R. Le placebo de l'âme. Barrière. L'envers. Deux. La vie. Rose. Lisse. Avoir la chance. Rose. Lisse. Dehors. Deux. Deux.